taking over. Tous les chefs, gendarmes ou cristés, peu importe ce soir, on va te cramer. Tu fais ton boss beau avec ton uniforme, t'as un gun à la ceinture, tu fais ton bonhomme. De nos jours c'est sûr, que la police tue, et les bavures policières, bah tout le monde les a vues. Allez vas-y fais tes aveux, t'aimes pas les noirs et les honteux. Allez dis-le, on se vend c'est raciste, quota et argent. T'étonnes pas après, qu'il y ait des insultes à agents. Gardien de la paix, chercher les histoires. La police partout, mais la justice nulle part. Gardien de la paix, chercher les histoires. La police partout, mais la justice nulle part. Quand y'a émeute dans les rues, nous taser, nous tabasser. Alors soyez pas étonnés, car pour défendre nous on peut vous caillasser. C'est peut-être pas le 14 juillet, mais les fusées sont lancées. C'est peut-être pas 39, mais la guerre est déclarée. Obligé de cultiver notre identité, car plus ça va, moins ça va, et un jour ça va chier. La police nous maltraite et nous prenne comme des traîtres. Nous ce soir fais ta valise, car c'est ta mise à la retraite. Gardien de la paix, chercher les histoires. La police partout, mais la justice nulle part. Gardien de la paix, chercher les histoires. La police partout, mais la justice nulle part. Les gendarmes routiers nous prennent pour des machines habillées. Ils foutent des radars partout, juste pour leur quota de fin d'année. Contravention, amende et prison. Tel est le but du jeu de ce pays à la con. Y a plus de sens moral, mais plutôt un sens chiffral. Plus y'a de baisers, plus y'a de mauvais pour cet état de pédé. Pour ces hommes armés, nous sommes bons caraqués. Eh, désolé poulet, mais moi je peux pas te saquer. J'aime pas tes bois merdiques, je serai toujours anti-flic. Vous êtes avec nous, trop sur l'attaque. Vous jouez trop de la matraque, nous on est sur la défense. S'il faut, on vous asperge d'essence. On représente mon adolescence, celle qui court dans le mauvais sens. Et si j'ai trop d'appétit, bah je boufferai un poulet rôti. Ha ha ha ha.